Search on the spot. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Wardrobe malfunction. Wardrobe malfunction. Wardrobe malfunction. Wardrobe malfunction. Don't care if you're a judge, 'cause you can't judge me. Which part of the pageant rule book says we get coffee? Sure, I'll play your stupid game, but you're going to lose. If I looked as smart as I am, I would not be this damn cute. Here we go again, Prince Charming and Sue, let's feed. He's stepping on my dress, ripping up to my thigh. You should run for president. S'appelle Miss Ballistique, je pense que c'est la première ou la deuxième fois qu'on l'écoute dans cette émission, et elle nous chantait un morceau dans lequel la plupart des femmes vont se retrouver, puisque ça s'intitule Less Wardrobe, More Malfunction. Donc on pourrait comprendre cela en disant plus petite est ma garde-robe et moins bien je vais fonctionner. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, on a un groupe Planet Indie. Et puis si vous le voulez, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44 si vous nous écoutez de l'étranger. Voilà. Que dire de plus ? D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure en vous décrivant le concept. Avant cela, eh bien, on va encore écouter un artiste. Et lui, il était Powerplay le mois dernier. Bah oui, pourquoi pas. Et je vous avais dit, hein, c'était un album très riche. C'était un double album. Donc, il y avait matière à trouver pas mal de morceaux à écouter. C'est donc Jaron Red Raven Sky. Et le morceau qu'on va écouter, il s'intitule Shipwrecked. Tears bleed me dry, pain wells up inside. Fears remind me that I am me, and don't fade with new philosophy. Scars don't just appear, they remain there in the mirror. Well, I have been told of eternal bliss, but I know it's not for me. For the blind still wish to see. I'm shipwrecked, don't try to dissect me. Leave me alone. Warmth in God, the shape that I'm in, it's not unknown. There are beaches full of shipwrecks like me. We all must return to the sea. Oh, what a life of scattered debris. Wretchedness within reflects wickedness without. Life, you brute, so much misery, penned by authors of power and greed. It's not that I can't love, au contraire, I love too much. But I won't hide my eyes, I won't swallow your lies. The truth hurts and pain comes for free, but the pain can set you free. I'm shipwrecked, don't try to dissect me, leave me alone. I'm worn thin, God, the shape that I'm in, it's not unknown. There are beaches full of shipwrecks like me, and we all must return to the sea. Oh, life of scattered debris, a whale cast upon a beach, or the moon adrift out at sea. Il s'appelle Jaron Red Raven Sky, nous interprétait le morceau Shipwreck. J'espère que vous avez fait attention aux paroles, puisqu'il compare quelque part sa vie avec un bateau. Il dit « Pour les épaves comme moi, il y a toujours une plage, mais à un moment donné, on doit tous retourner à la mer. » C'était notre power play le mois dernier avec un très bel album intitulé « I can't take the darkness anymore ». Je ne supporte plus l'obscurité. C'est Jaron Redraved Sky, donc un double album qu'on vous conseille bien évidemment. 17h21, il est grand temps pour nous maintenant de découvrir le powerplay de ce mois-ci. Fin 2018, Spottiswood and His Enemies, c'est eux qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette émission Planet Indie. Spottiswood and His Enemies a sorti son 7e album, Lost in the City, un mélange excitant et vertigineux de 18 morceaux. Bah oui, c'est aussi un album où il y a pas mal de choses à découvrir. 18 morceaux qui oscillent allègrement entre jazz, chansons de geste, rock, blues et minimalisme. Cet album a été nominé plusieurs fois comme meilleur album de l'année, non seulement aux États-Unis mais aussi à l'étranger. En soi, c'est déjà appétissant comme cela. Le leader du groupe, Jonathan Spottiswood, qui est à la fois chanteur et guitariste, c'est assez classique, a été décrit par le journal The New Yorker à la fois comme un génie et comme un chef de bande, tandis que chez nos collègues de WNIC et la radio, eh bien, on parle de lui comme de l'un des leaders new-yorkais les plus colorés depuis plus d'une décade. Je ne fais que citer ce qui a été dit. Aux côtés de Jonathan Spottiswood, donc, qui soit dit en passant est le fils d'une chanteuse américaine et d'un pasteur anglais, et qui compose la plupart de la musique et écrit les textes, on trouve à la basse alors John Young, aux percussions Tim Vail, Candace de Bartolo au saxophone, Kevin Cord à la trompette, malgré son nom, bah oui, avec un nom Cord, on s'attendrait plus qu'il soit à la guitare, ou à la basse, ou au violon, ou enfin bon, un instrument à cordes, mais non, il est à la trompette. Riley McMahon, il joue de la guitare, de la mandoline et du glockenspiel. Pour ceux qui ne savent pas, le glockenspiel, c'est une sorte de xylophone, mais à la différence du xylophone, eh bien, les tablettes, elles sont en métal et pas en bois. Et puis enfin, dernier mais pas le moindre, Tom Loria au piano, accordéon et clavier. Une belle brochette d'artistes donc, dont certains jouaient déjà ensemble dans le groupe de Zimmermans, un groupe basé à Washington DC qui a aujourd'hui disparu. Eh bien, j'espère que cette petite mise en bouche vous plaît. Ben, je vous propose d'écouter un premier extrait de cet album, donc Lost in the Cities, un morceau délicieusement jazzy qui s'intitule Now Didn't I par Spottiswood and His Enemies. Power play. Power play. I heard my baby, yes, I heard my baby on the radio. And I miss my baby, and I curse the day I ever let her go. She sang so sweetly, yes, she sang so sweetly, nearly made me cry. Well, I hurt my baby, so I lost my baby, now didn't I? Well, I watched my baby, yes, I watched my baby give an interview. And she looked so pretty, it was such a silly, foolish thing to do. But then they showed a picture, yes, they showed a picture with another guy. Well, I hurt my baby, so I lost my baby, now didn't I? Didn't I take her for granted? Didn't I take her for a ride? Didn't I do just what I wanted? Till the love inside her died. Didn't I neglect her, disrespect her, and affect her confidence? All she had to do was collect the evidence. Mm-hmm. evidence. Well, I begged my baby, yes, I begged my baby, come on back to me. She said, I'm sorry, honey, go spend your money in the duty free. I said, it's not over. She said, yes, it's over. Here's a kiss goodbye. Well, I hurt my baby, so I lost my baby, now didn't I? Well, I hurt my baby, so I lost my baby, now didn't I? Well, I hurt my baby, so I lost my baby, now didn't I? So reckless to my cause, how fool am I, still cannot let go, trying to read every thought, days been wasted for so long, am I the only one staying up all night, checking the phone at the first light? How could I let someone I don't know make me lose my mind? Tell me, don't you need someone when you cry alone? With a blanket in your cold bed, everything about us reminds me how I need you to breathe. Tell me, was it truth or a lie, things you told that night? And your smile stuck in my mind, everything about us reminds me how I need you here. Voilà, il s'appelle Alp, avec, il nous a interprété le morceau Stuck in My Mind. Et avant cela, je vous rappelle, c'était notre album Powerplay, Spottiswood and His Enemies, avec le morceau Now Didn't I. On en écoutera encore deux morceaux d'ici la fin de cette émission. Fin qui est programmée à 18h30, mais vous pourrez nous retrouver dès demain sur les fréquences de RGL, puisque nous serons rediffusés aux mêmes heures qu'aujourd'hui. Fréquence hertzienne traditionnelle, hein, 96.6 FM. Nous sommes aussi maintenant, c'est une grande nouveauté, sur le DAB+, donc qualité sonore améliorée, et puis aussi sur le câble, la télédistribution Poste Proximus, c'est vous en Belgique notamment. Et puis vous retrouverez aussi le podcast de cette émission, donc l'enregistrement de l'émission d'aujourd'hui, sur notre site internet. Voilà, aucune excuse pour ne pas nous écouter, nous réécouter, en tout cas redécouvrir toutes ces belles musiques qu'on vous propose. Et à propos de musique, ben, on poursuit avec, on va poursuivre dans quelques secondes avec un groupe qui s'appelle The Sunny Smiles 3. Alors j'ai choisi un morceau extrait d'un EP intitulé Loveland. C'est un EP qui est distribué en complément du nouvel album qui vient de sortir. Je l'ai reçu, j'ai pas encore eu l'occasion. Je l'ai écouté, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le programmer, donc ce sera probablement pour le mois de décembre. Avant cela, au niveau des agendas dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, au niveau de la rocale, ça va être facile. Tout est annulé ou postposé, tout ce qui était prévu encore en 2020. Donc, plus aucun spectacle cette année à la rocale. La Culture Fabrique, eh bien, que dire, le spectacle du 14 novembre, donc de la semaine prochaine, 49 degrés, enfin c'est assez compliqué à prononcer. Sachez que si vous aviez prévu d'aller à la Culture Fabrique samedi prochain, le 14 novembre, eh bien, le spectacle est reporté. Et puis si on en croit leur site internet, eh bien, le concert de Judas et Nahimana du 20 novembre, vendredi 20 novembre, est apparemment toujours maintenu, de même que le concert de Compro Oro du mercredi 25 novembre. Affaire à suivre, suivant eh bien, le déroulement des opérations. Et puis il y a aussi un concert, non c'est tout pour le mois de novembre, c'est une soirée littéraire tête à tête, Blutgewinsel, samedi 21 novembre à 19h30, apparemment toujours maintenu aussi, donc c'est toujours sous réserve, hein. Restez attentifs et allez voir leur site si vous étiez intéressé par l'une de ces soirées. Voilà, The Sunny Smiles 3 avec le morceau New Holland Flat. The door to my heart, I come back to lock it. It keeps me up now maybe twice a day. Gun went off when I began to cock it. It all went wrong, New Holland way. My clock has stopped, you're the one to stop it. But it's still right now, twice a day. A world so small, we can nearly walk it. Keep New Holland narrow gauge. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. One racing bike and a broken chopper, a soda siphon and please, please. Junior choice, I'm a dead space hopper. Motor Gucci, boot 33. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Now I'm 13, I've begun to look it. And I'm in love with a dead girl soon. My wasted school with the twisted pockets. More prostitutes than silver spoon. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. The mud's too strong for the Lincoln Castle. Sinks the seals and the Newbridge piles. My tiddler died in a fresh water bucket. The cool excitement of a hunger sigh. Fractured yachts and the bleak gate shoppers. Four-inch surfers, night and day. They cut your hair and they swamp the locket. Tarred and feathered, the resistance way. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Darkness fall on the boredom bullies, air horn airheads 5 feet tall. Broken glass in a 10-foot gully, the new bridge looms with pride and fall. Breath and sweat and rage and hurry, raised on rope and monkey bars. A kind of cord, a kind of pulley, a kind of love, float and fall. Hey, hey. Don't be aging, you hit the water like a concrete wall. You really dared, you really did it, it's slap their faces and slap the door. Hey, hey, hey, hey. There's a chance I might be staying at least another night or two. And if you've noticed lately, there are things that I'm not saying. It doesn't mean a thing to you. It's only something in your eye. There's no reason to wonder why. But I know part of me wants to be going. And I know 70 days couldn't break your heart or make your dreams come true. No one's ever listening to these words that I've been singing. They don't know who they're written to. And if it it's over and the crowd exits politely and the monitor fades to blue, it's only something in your eye. There's no reason to wonder why. But I know Mark Rogers et il nous interprétait 70 Days. Je voulais vous parler aussi, puisqu'on n'a pas vu, on a vu en détail, enfin en détail, ça a été assez rapide, hein, la programmation de la Rocale et de la Culture Fabrique. Et donc, pour ne pas faire de jaloux, on va aussi passer en revue celle de Neumünster. Elle est un peu plus fournie, évidemment. Enfin, je dis évidemment, c'est pas évident, mais voilà, c'est comme ça. Demain, 8 novembre, c'est le, bah, toujours le concert de 11h, fameux dimanche à 11h. Et demain, ce sera Danse avec les anges, le spectacle et le concert du Anne Wolf Quatuor. Le dimanche suivant, le 15 novembre, ce sera un concert par le Harvest Group, Nacimiento Road. Le 16 novembre, Luxembourg Composition Academy, donc c'est 8 jeunes compositeurs du monde entier qui se sont retrouvés à Neumünster pour travailler une semaine durant sur une nouvelle pièce aux côtés de Carola Bockholt et Matthew Schlomowitz. 22 novembre, concert de clôture toujours du Luxembourg Composition Academy, c'est à 11h et à midi, vous aurez un concert par Sonambique pour la sortie de leur album. Le 25 novembre devait avoir lieu à 20h un concert par Din Dinosaur et Klein. Eh bien, il est annulé. Et puis voilà, il y a le festival Shuffle 27, 28 et 29 novembre. Voilà donc pour la programmation de Neumünster. On retournera d'ici exactement 3 bonnes minutes sur notre powerplay à la découverte de cet album Lost in the City de Spottiswoode and His Enemies. Et avant cela, je vous propose d'écouter encore un autre morceau par le groupe Pictures et Love the Shooting Gun. minutes, ça veut dire qu'on est pile poil à la moitié de l'émission. Et ben ça tombe bien, on est pile poil à la moitié de la playlist de ce soir, donc on est bien dans les temps, c'est parfait. Ainsi, comme je vous l'annonçais donc, et bien retour sur notre album Powerplay. Je vous ai mis une vidéo dans le groupe Facebook sur le groupe Planet Indie sur Facebook, la vidéo du morceau Hoboken, qui est une petite ville entre juste à côté de New York, mais elle est dans le New Jersey si je ne m'abuse. probablement fondée par des immigrants belges, puisqu'il y a un Hoboken aussi près d'Anvers. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On n'écoutera pas le morceau dans cette émission, donc peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. On écoutera deux autres morceaux. Le suivant, eh bien, va venir très bientôt. Je vous donnerai encore quelques mots sur le groupe, qui, bien que n'appartenant pas à la tendance majoritaire et grand public musical de New York, on va dire à la tendance mainstream, si on veut parler en franglais, le groupe Spottiswoode and His Enemies est devenu assez connu dans la scène artistique de la ville, en se produisant de manière régulière et résidente dans certains endroits connus et courus, comme le Joe's Pub, et puis en effectuant aussi plusieurs tournées sur la côte Est, voire plus loin, puisqu'ils se sont produits notamment à Lille, Bruxelles, Hambourg, Washington, Los Angeles, Nashville, Chicago, Copenhague, Paris, Berlin, Londres ou encore Tokyo, et j'en passe. Le style et l'écriture de Jonathan Spottiswoode ont été régulièrement comparés à ceux de gens comme Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Cave, David Bowie, Randy Newman, Ray Davies et bien d'autres encore. Il utilise plusieurs méthodes de composition, le plus souvent à la guitare, mais parfois au piano et à l'occasion directement dans sa tête. Ses dernières compositions s'avèrent souvent être ses meilleures productions. À côté de son groupe, Jonathan Spottiswoode a aussi sorti 3 albums solo ainsi qu'un album de duo avec le guitariste du groupe Riley McMahon. Et puis il a de plus écrit un opéra rock gothique, Above Hell's Kitchen, qui a été joué à Wicklow au Festival musical du théâtre de New York. Et puis il n'a pas perdu l'espoir non plus que cette œuvre soit adaptée au cinéma. On ira voir un peu plus longuement ce qui se passe avec Jonathan Spottiswoode du côté du cinéma un peu plus tard dans cette émission. Ça, c'est pour vous garder branché et vous donner envie d'en savoir plus. Voilà, donc le morceau que j'ai choisi pour ce dernier extrait, c'est La plage qui donne son nom à l'album Lost in the City par Jonathan Spottiswoode. C'est notre powerplay dans Planet Indie d'aujourd'hui, Planet Indie numéro 424. Powerplay. Are crowded, the buildings are so tall. She takes my hand, she leads me to the sea. We catch a bus, we're lost in the city. The sand is almost black. Soldiers laughing from the balconies. They point their guns, we're lost in the city. Floating through the night on the carnival. Silver moon, our only currency. Quench my thirsty soul in the trembling city. Thank you. the dawn she takes me to the cemetery. She paints 12 angels on my face and hands. Then we make love and we're lost in heaven. Lost in détourné d'une citation d'un ancien auteur, je sais plus si c'était un roman, un latin ou un grec. Je vais regarder, je vais essayer de la retrouver, qui avait dit qui surveille les surveillants. En gros, c'était ça, je pense, la phrase de départ, la phrase originelle. Si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, je vous propose de partir découvrir notre BD du mois. C'est une BD pour se faire peur. Bah oui, on a eu Halloween il n'y a pas longtemps, donc c'est assez d'actualité. C'est une BD intitulée Assassin. Le résumé que je vous en fais est le suivant. Compte en commun, Hitler, Charles Manson, le docteur Petiot, Maribel, etc. pour n'en citer que quelques-uns. Réponse, ils ont du sang sur les mains, beaucoup de sang. Une véritable hémorragie d'hémoglobine bien rouge. Comme son nom l'indique, on ne peut plus ouvertement, cet album nous présente toute une panoplie savamment sélectionnée et dosée de personnages plus sympathiques et fréquentables les uns que les autres. Cependant, un observateur un tant soit peu attentif ne manquera pas de remarquer que la communauté des tueurs en série psychopathes est très hétéroclite. Il y a des hommes et des femmes. Il y a ceux qui se chargent eux-mêmes du sale boulot et ceux qui délèguent. Il y a ceux qui assument et il y a les timides qui essayent de passer inaperçus. Il y a ceux qui travaillent à grande échelle et les petits joueurs, les cupides et ceux qui pratiquent pour la beauté du geste, etc., etc. Les exploits de ces personnages sont racontés en quelques pages, autant dire que les auteurs ne se sont pas embarrassés de trop de subtilité. Le but n'était d'ailleurs pas d'aller en profondeur, étant entendu que la plupart de ces « héros » entre guillemets, ont fait par ailleurs l'objet d'un nombre incalculable de livres, documentaires, études, analyses. La mise en abîme de leur biographie dans la bouche de tiers ne convainc qu'en partie pour certains d'entre eux. Si la technique permet d'insérer une touche de cynisme et d'humour bien noir, déplacés trouveront certains, elle ne fait pas toujours mouche et ne parvient qu'à l'occasion à sublimer le récit. Ainsi, l'assureur qui termine sa narration de la vie de Belle Gunness au bord de l'apoplexie afin de démontrer à son client que non, toute la corporation n'est pas pourrie, est un vrai régal, qui apporte une belle dose de légèreté. Idem pour l'infirmier qui raconte l'histoire du couple West et de la maison de l'erreur de Gloucester dans une missive à son ministre dans le but de renforcer le personnel hospitalier afin que cela n'arrive jamais en France. Chaque chapitre se termine avec une fiche d'identité, un peu à la manière d'un extrait de casier judiciaire qui détaille avec plus de sérieux les faits marquants de la carrière de ces champions, leur mode opératoire, leur palmarès. Le style graphique haché et les couleurs renforcent à leur manière le sentiment de la fragilité de la vie. En conclusion, eh bien, ce livre surfe sur l'éternelle vague d'intérêt, voire de fascination, un brin discutable, mais toujours malsain que ressent depuis la nuit des temps le grand public pour ces personnages hors normes. Plutôt que de refaire une xième étude qui n'apporterait in fine rien de bien neuf, l'angle d'attaque et de narration a été déplacé, mais pas toujours de manière optimale. Il n'en reste pas moins qu'au final, la lecture s'avère amusante, surtout pour les amateurs d'un humour décalé. De quoi peut-être donner envie de se replonger dans une biographie plus fouillée de l'un ou l'autre protagoniste, d'autant que certains sont restés jusqu'à présent plutôt en dehors du grand cirque médiatique. Finalement, on se trouvera plutôt charmant et normal après avoir lu ce livre, ce qui en soi n'est déjà pas si mal. Sauf si, bien sûr, vous en arriviez à vous identifier à l'un ou l'autre allumé, ou que vous en veniez à sentir germer et jaillir en vous des envies de meurtre. Voilà, cette bande dessinée s'appelle donc Assassin. Elle est sortie chez Fluid Glacial. Les auteurs sont Rochesman et Pourquier. Je vous mettrai aussi la fiche de lecture complète sur notre site internet et puis la petite conclusion sur notre groupe Facebook. Eh bien, que diriez-vous de poursuivre en musique avec le groupe I'm a Rocket Ship? Je suis une fusée spatiale. Et tu es mon ange, you're my angel. We'll be right back.

this pedestal 160 years ago, grandiose in bronze, noble and esteemed. My glory's now corroded green, my story adds insult to injury. It's time for a change. Melt me down and bring me back as Lady Liberty. This world doesn't need me anymore. We're all a little scared, but there's something better for us out there. Melt me down and bring me back as Lady Liberty. Fill the square and street, 5 hours in the summer heat, walking side by side, chants and signs and songs. There's power in their peaceful way. They've come to set the record straight. Let freedom ring. Melt me down and bring me back as Lady Liberty. This world doesn't need me anymore. We're all a little scared, but there's something better for us out there. Melt me down and bring me back as Lady Liberty. Last night I had a dream, little girl looking up at me, my torch held to the sky, and the broken chains and shackles laying at my feet. So melt me down and bring me back as Lady Liberty. This world doesn't need me anymore. We're all a little scared, but there's something better for us out there. Melt me down, bring me back as Lady Liberty. Melt me down and bring me back as Lady Liberty. Un morceau un peu triste hein, de Jordy Bison, un morceau qui s'intitule Melt Me Down, puisqu'il dit ce monde n'a plus besoin de moi. Enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gai, mais il faut écouter toutes les paroles aussi. Et puis il fait référence à Lady Liberty, donc à la statue de la liberté, voilà, à New York. Transition facile pour la suite de notre programme, puisqu'on va retourner sur notre album Powerplay. Bah oui, il est grand temps. Avant cela, je voudrais encore vous dire qu'on a écouté Art of Empathy, notre ami limbourgeois, louvaniste, pardon, avec un morceau intitulé Cynism Left for Dead. Retour donc sur notre Powerplay, il est grand temps, le temps passe, il est 18h15. Je vous avais laissé tout à l'heure en disant que Jonathan n'avait pas perdu l'espoir de voir son opéra rock gothique Above Hell's Kitchen adapté au cinéma. Même si ça commence à faire long, puisque ce spectacle a été présenté et joué en 2010 déjà, cet espoir n'est pas tout à fait naïf. En effet, un autre de ses scénarios, Either Side of Midnight, a été filmé l'automne dernier à New York sous la direction de Roger Spottiswoode. Bien qu'il porte le même nom, il n'est pas du tout membre de la même famille que Jonathan. Et ce Roger Spottiswoode, me direz-vous, qui est-il ? Eh bien, c'est pas le premier venu, puisque parmi ses films, on trouve notamment, bah oui, on connaît peut-être pas son nom, mais il a tourné un épisode de la saga de James Bond, Demain ne meurt jamais. Étonnamment, malgré sa très longue carrière, malgré toutes les chansons et tous les scénarios qu'il a écrits, Jonathan Spottiswoode est toujours à la recherche à ce jour de son style et de sa voix. Il écrit aussi bien des portraits, des chansons d'amour, des drames émotionnels, des hallucinations expressionnistes que des morceaux pop. Évidemment, c'est un handicap d'un point de vue commercial. Il en a d'ailleurs discouru plusieurs fois, expliquant qu'il est paradoxal de faire partie d'un groupe connu et apprécié et en même temps d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Du coup, on risque encore d'avoir de ses nouvelles puisqu'il ne peut toujours pas se reposer sur ses lauriers et qu'il cherche toujours sa voix. Alors sa voix, vous l'écrivez avec un E ou avec un X, les deux sont, sont bien dans le contexte. Et c'est tant mieux pour nous. Je vous rappelle le nom de son album, ça s'appelle Lost in the City. Je vous ai mis une vidéo sur notre groupe Facebook. Et puis on va écouter donc un troisième extrait aujourd'hui et ce sera Love Saxophone par Spottiswoode and His Enemies. Power play. Power play. I love you, baby, you know I do. I'm brimming with love, too much for you. Gonna spread my joy across the world. Spill my seed on an amateur. Gonna smoke some dope, gonna drink some booze. Pick up girls and boys in the avenues. Gonna leave them dripping in the sack. Hit the road with Kerouac. Gonna pray, till I'm stoned. Gonna lie down with my love. Love saxophone. Gonna dig some muck, gonna play some bird. Hang on out with Allen Ginsberg. John Coltrane gonna blow some brass. Jasper Jones gonna kiss his ass. Gonna pray, till I'm stoned. Gonna lie down with my love. Love saxophone. Love a sin. Is too much love a sin? Tenor, alto and baritone. Any kind of saxophone. Well, it don't take too much mescaline to see it's masculine and it's feminine. Let me hear you squawk as I put that friction on your cock. Let me tinkle with your ovaries. Fellatio between my knees. Gonna pray till I'm stoned. Gonna lie down with my love. Love saxophone. Love saxophone. Love saxophone. Love saxophone. Love saxophone. you, baby, and know I do. I'm brimming with love, too much for you. Do you see the sun rise in the morning sky? Do you see the two birds in the nest up high? Time makes every living thing start blooming, and your time is soon to come. Are you having feelings you don't understand? Is there a boy who wants to hold your hand? You only know if he will be a good one if you look into his eyes. Don't be scared, I'll be there if you're stolen. Just be brave, it's okay to leave yourself wide open. A woman knows, a woman knows. Do you feel a sparkle warming up your soul? Never move too fast, but never move too slow. Love is giving as well as receiving. It's a bridge that's tread by both. Don't be scared, I'll be there. If your heart gets stolen, just be brave, it's okay to leave yourself wide open. A woman knows, a woman knows. It may feel it's all too much, but this little change doesn't change us. Don't be scared, I'll be there. If your heart gets stolen, just be brave, it's okay to leave yourself wide open. A woman knows, a woman knows, a woman knows, a woman knows, a woman. Voilà, elle s'appelle Bibi, elle nous interprète A Woman Knows. C'est vrai qu'une femme, une femme sait tout. Bon, elle ne dit pas tout, hein, mais elle dit une femme sait pas tout. C'est pratiquement la fin de cette émission. Bah oui, le temps passe très très vite. On doit encore s'écouter West of Eden, et puis j'avais prévu aussi d'écouter Lynn Hanson, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour Lynn, malheureusement. Si on veut terminer à l'heure, on va essayer de la programmer lors de la prochaine émission. Donc ce sera l'épisode numéro 425, et ce sera en direct le 5 décembre, donc sur toutes les fréquences de RGL. Je vous rappelle les fréquences hertziennes 96.6, les fréquences sur le câble, télédistribution chez Poste, chez vous et chez Proximus en Belgique, via Internet aussi, sur le site de RGL, le site de Planet Indie aussi, on nous diffuse, et puis nouveauté aussi, nous sommes diffusés aussi en DAB+, depuis très peu de temps, donc nouveau standard de diffusion, avec amélioration évidemment de la qualité sonore. Eh bien, j'ai été très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Toutes les infos se retrouveront sur notre site internet et dans le groupe Facebook, notamment la playlist de l'émission, le podcast, la fiche de lecture de la BD, etc. etc. Je vous retrouve donc le 5 décembre. Je vous signale que la prochaine émission en français sur RGL, ce sera samedi prochain aux mêmes heures, donc 17h. 18h30, et puis on va se quitter donc avec West of Eden, un morceau intitulé Everywhere. Les gens de ma génération, eh bien, ce titre vous leur dira peut-être quelque chose, puisque c'était un très beau morceau de Fleetwood Mac. Eh bien, c'est une reprise de ce morceau par le groupe West of Eden. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à très bientôt, portez-vous bien. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. I wanna be with you everywhere. I wanna be with you everywhere. Something's happening to me. My friends say I'm acting peculiarly. Come along, baby, better make a start. You better make it soon before you break my heart. I wanna be with you everywhere. Go everywhere. I wanna be with you everywhere. Your name. You know that I'm falling and I don't know what to say. Come along, baby, better make a start. And you better make it soon before you break my heart. I wanna be with you everywhere. Be with you everywhere. Oh, everywhere. I wanna be with you everywhere. Everywhere. I wanna be with you everywhere.